plus, beaucoup plus aux chrétiens. Voilà. Donc ça, c'est pour remettre un peu en contexte. Je peux revenir sur le contexte. Glenn en a parlé de long, large. Je crois que la prochaine fois, il remettra encore une couche sur le contexte. Si on regarde un peu ce verset, c'est très court, hein, heureux. Certaines versions, comme la Louis II, dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Le mot débonnaire n'est plus trop utilisé, n'est plus trop utilisé. C'est un vieux mot, hein, débonnaire. Ça veut dire quelqu'un d'une grande bonté, a tendance à se montrer favorable aux autres, etc. C'est ça le mot débonnaire. D'autres versions disent heureux ceux qui sont doux. Ça, c'est, je pense que la plupart des versions que j'ai trouvées, c'est heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. La Bible de Jérusalem dit heureux les doux, car ils posséderont la terre. Psaume 37, 11, qui paraphrase, oh non, c'est plutôt l'inverse, c'est Matthieu qui paraphrase le psaume 37, 11, qui dit, les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Donc ça, c'est un peu le contexte. L'idée, c'est heureux les humbles, les doux, les débonnaires, c'est le même mot, c'est la même idée. J'aimerais commencer, en fait, le partage par un mot grec qui n'est plus connu aujourd'hui, qui n'est plus utilisé. C'est le mot aristeia. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Aristide? Non? Aristide? Ah oui, Aristide, voilà. Mais par exemple, ce prénom, Aristide, est un peu tiré à la même racine grecque. Aristeia est un mot, moi, la première fois que je l'ai rencontré, ce mot, c'est dans le livre d'Homère, l'Iliade. Vous connaissez l'Iliade, c'est l'histoire de la guerre de Troie. Et donc, dans la guerre de Troie, Homère utilise ce mot grec à Aristeia. Et Aristeia, c'est un mot qui est utilisé pour. C'est un peu la bande-annonce d'aujourd'hui. Dans les films d'action, souvent, il y a la bande-annonce. Il y a quelqu'un avec une voix grave. John Cage va tous les tuer, un truc comme ça. Et on montre John Cage dans les instants les plus. Là où il saute d'un immeuble, il y a quatre personnes qui l'entourent, il les tue tous, etc. C'est les best, les meilleurs moments. C'est ça que Homer appelle Aristeia. C'est un mot, c'est un vieux mot. Et l'Aristeia, c'était la partie du combat où un héros particulier se distingue des autres, ou même poursuit le combat tout seul. Un exemple, l'Aristeia, dans l'Iliade, il y a un moment où il y a Achille, le grand Achille, le héros. Mais les deux héros, à un moment, chacun son champion. Hein, chacun, dans chaque clan, il y a le champion. Et donc tout le monde regarde un peu le champion, voit ce qu'il y a à faire. Et à un moment, quand le champion, notre champion, rencontre l'autre champion. Souvent, ce qui se passait, c'est que les soldats se retiraient légèrement et il arrivait que l'armée se retirait carrément et laissait les deux protagonistes ensemble, tout seuls, se battre. Ça aussi, on appelait ça une aristeia, un combat épique entre deux. Et du coup, c'est l'issue de ce combat-là qui déterminait l'issue de toute la guerre. Parce que soit les battus se rendaient parce que leur héros est mort, ou soit ils étaient tellement découragés que finalement ça donnait un ascendant psychologique sur les vainqueurs. C'est ce qu'on appelait une aristéa. On se souvient aussi de l'aristéa de David contre Goliath. Celui qui gagne, ben, finalement David a, hop, quick, Goliath, et puis bon, et les Philistins ont été battus. Bref, pourquoi je parle de ce mot-là, aristéa? Parce que ce mot aristéa a donné le mot aristocrate, aristo. C'est le même mot. Aristo, aristokratos, aristeia, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur, quand quelqu'un se distingue. Et aristo, cette racine, c'est la même racine que le mot meilleur, les meilleurs. Et l'aristocratie, c'était le règne des meilleurs. Ça vient de là. C'est le règne des meilleurs. C'est ce que ça le mot, c'est dérivé de ce mot-là. Et ça nous amène. Ce mot-là, aristocratie, parce que finalement, les rois, après, en fait, c'était les plus violents. Hein. Ceux qui ont tué plus de personnes, qui étaient les plus forts, finalement, étaient nommés chefs. Après, c'était chef à vie. Après, c'était le fils d'eux, le fils d'eux, le fils d'eux, le fils d'eux. Ça donnait l'aristocratie, mais on se rend bien compte qu'à la base, au début, c'était les plus violents quand même. Bon. Donc, on associait bien l'histoire de la notion de héros, de meilleur homme, le plus machin, à une certaine violence. Ce qui nous amène à deux paradoxes. Dans Heureux, les humbles, les doux, car ils hériteront la terre. Ben, il est bien clair que ceux qui ont hérité la terre, ce n'est pas les doux. Sur le champ de bataille, je pense que les doux, ils sont restés. Hein. C'est clair que c'est les plus violents qui sont revenus. Et ça, c'est. J'ai lu un livre récemment que m'a prêté Manon, qui s'appelle Le Sermon sur la montagne de John Stott. John Stott est un homme d'église, c'est un leader chrétien qui est mort cette année d'ailleurs. Il est mort en juillet de cette année. C'est un homme, il est mort paisiblement, c'est, comme on dit la Bible, rassasié de jours. C'est quelqu'un, en 2005, je crois, il y a le journal Times qui l'a cité dans les 100 personnes les plus influentes du moment. Donc c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. C'est pas négligeable. Et dans ce livre, notamment sur la montagne, il dit une chose. Il dit, n'est-il pas plus vraisemblable que ceux qui sont doux n'arrivent à rien, car personne ne tient compte d'eux, et tout le monde les malmène et les écrase. Ce sont généralement les durs qui s'imposent, qui réussissent dans la lutte. Bon, c'est évident, hein? Mais c'est vrai que quand quelqu'un de. Ça met plus de poids. Donc, on a deux paradoxes. Le premier, c'est ça. Dans ce verset-là, on dit heureux les humbles, car ils hériteront la terre. On dit, mais voilà. Non, les humbles n'héritent pas la terre. Qu'ils soient doux, qu'ils soient humbles, qu'ils se soumettent aux autres, font que, ben, ils sont plutôt tassés qu'autre chose. Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est Moïse. C'est Moïse. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire un voyage par la route, d'aller à Gatineau, Sherbrooke, ou plus loin, Saguenay, avec des enfants derrière, qui n'arrêtent pas de demander. Oh! Est-ce que ça vous parle, ça? Hein? Sauf qu'ils ne les demandent pas une seule fois, cher pour vous, mais on dirait qu'ils sont programmés. Il y a une horloge là, toutes les 5 minutes, on redemande la même question. Et souvent, celui qui est au volant, il est là, il est. Hein? Bon, alors, imaginez ça, multipliez ça par 100 000. Il y a 200 000 personnes qui vous posent la même question pendant 40 ans. Vous voyez? Juste pour vous donner une idée, pendant 40 ans. Non, il faut dire qu'il avait un cœur Moïse quand même. Franchement, moi, depuis longtemps, je pense que je serais. Enfin, bref. Moïse, dans Nombre, chapitre 12, au verset 3, il est écrit que Moïse, donc, était un homme très humble, plus humble que tout autre homme de la terre. C'était le best of the best of the best en humilité. Il n'est pas plus humble. Parce que franchement, supporter tout ce peuple-là qui passe son temps à ronchonner et pendant 40 ans et dans le désert, en plus ce soleil-là, il faut le faire. Il faut le faire. Ce qui est marrant, enfin marrant, c'est pas marrant. Ici, il est écrit que c'est l'homme le plus humble de la terre. Donc, c'est la figure d'eux. On parle d'humilité, Moïse. On parle de pauvreté, Job. C'est Moïse humble. Et pourtant, je vais vous lire un verset, une partie dans Deutéronome chapitre 34. C'est pas la peine d'ouvrir, je vous le lis. Moïse monta sur la plaine de Moab, Deutéronome 34, vers le mont Nebo, au sommet de la Pisgah, en face de Jéricho. Et le Seigneur lui fit voir tout le pays, de Galaad jusqu'à Dan, tout Naphtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Néguev et le district, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et le Seigneur lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en leur disant, c'est à ta descendance que je le donne. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y passeras pas. Et Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la déclaration du Seigneur. C'est quand même fort. Les humbles, heureux les humbles, vous hériterez de la terre qui a été promise. Mais le plus humble que la terre ait porté, lui, il n'a pas hérité, il n'a pas mis les pieds. En plus, il a bien regardé, on l'a bien laissé voir, il a bien salivé. On dit, bon, ok, c'est beau, ferme rideau, toi tu restes là. Ah, c'est un peu. Voilà, c'est juste pour dire, il y a une certaine ironie dans ce verset-là. Une certaine chose qui fait que ça bouleverse un peu la façon de penser de l'auditoire. On parlait de Moïse. On va rester sur Moïse pour toujours parler de l'humilité. Alors, on connaît tous l'histoire de Moïse. Moïse a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Il a été élevé à la cour royale comme un prince d'Égypte. Il a reçu toute l'éducation du moment. C'est un peu, imaginez-vous, vous sortez dans la rue, une voiture vous renverse, vous foulez le pied, j'en sais rien, bon, vous tombez, et il y a un monsieur qui arrive, une dame qui arrive par là, qui son mari est le directeur de Harvard, exemple, par exemple. On vous prend, on vous emmène, on vous dit, on vous donne une direction de Harvard gratuite, c'est la plus grande université, je pense, bon, je sais pas si, c'est l'une des plus grandes aujourd'hui au monde. Pour le prestigieux, en tout cas, on dit, bon, on va vous donner une éducation à Harvard pendant 5, 10, 20 ans, le temps que vous voulez, totalement gratuit. Autant le temps que vous avez votre diplôme, vous pouvez rester jusqu'à. Et on sait tous que quand on sort avec un diplôme de Harvard, la plupart du temps, on ne traîne pas quand même. Notre chemin est quand même un peu bien tracé. Bon, bref. Donc lui, Moïse, est reçu et élevé par la fille de Pharaon. Donc il reçoit une éducation princière. La Bible dit que Moïse fut instruit dans toutes les sciences, certaines versions disent, dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est-à-dire que toutes les sciences, toutes les technologies du moment, que ce soit dans les arts, dans la poésie, dans les arts occultes aussi, parce qu'ils existaient très fort dedans aussi, il faut le savoir. Hein. Quand Moïse est revenu, il y a eu une petite confrontation là avec leurs magiciens. Ils étaient bons quand même, hein. Mais en magie noire, ils étaient bons. Donc dans tout ce qui est agronomie, etc., etc., travaux, aujourd'hui les pyramides telles qu'on les a construites, apparemment, nous, on ne peut pas les reproduire à l'identique. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'il y a des techniques qui ont été perdues, etc., etc. Donc Moïse, tout ça, il avait quand même de quoi. Et Moïse est devenu un homme influent. Ça, c'est la Bible qui le dit. Il devient influent par ses paroles et par ses actes. Moïse, en Égypte, était quelqu'un qui comptait. Quelqu'un qui avait du pouvoir auprès des Égyptiens et aussi auprès des Hébreux, parce que eux, c'est les esclaves. Ils n'avaient pas trop le choix, les pauvres. Mais Moïse était quelqu'un qui était important. La question qu'on peut se poser par rapport à Moïse, puisqu'on parle de Moïse, c'est comment Moïse, lui, se voyait. Quelle image Moïse avait de lui-même? À partir de là, j'entends Daniel penser, c'est des conjonctures. On peut juste supposer. Il y a des suppositions qu'on peut faire. Okay? Mais ces suppositions-là se basent sur. On peut supposer, et puis ces suppositions se basent sur des faits quand même réels. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les hommes de la Bible sont des hommes. Et que entre eux et nous, il n'y a pas une grande différence non plus. Ce qui leur fait mal, ce qui leur faisait mal là avant, ça nous fait mal aussi. Si moi, on me tape sur le pied, ça me fait mal. Quelqu'un il y a 2000 ans, on le tape sur le pied, c'est pareil. Ça lui fait mal aussi. On n'a aucun document historique. Aucun document historique qui retrace cette vie-là. Quand il a grandi, à partir du moment où il a été recueilli, jusqu'à ce qu'il, publiquement, il prenne position pour des esclaves, hein, etc. Mais cette partie-là, la Bible est silencieuse. On n'a aucune idée de comment est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce qu'il vivait, quel était ce qu'il pouvait être ressentir de ses origines, etc. Et il est communément admis que c'est seulement à l'âge adulte, puisqu'on dit devenu grand, Moïse alla vers ses frères, etc., etc. C'est à l'âge adulte qu'il s'occupait de ses origines. Il y a quelques éléments qui peuvent nous permettre de nous poser certaines questions. Premièrement, la question c'est, est-ce que Moïse savait qu'il était hébreu? Enfin, là où je veux en venir, est-ce que Moïse savait qu'il était hébreu? Est-ce que Moïse, en grandissant en tant que prince d'Égypte, avec tout le fatras, est-ce qu'il savait que malgré tout, je suis fils d'esclave? Est-ce qu'il pouvait s'en douter? Une chose est que Moïse, initialement, avait été allaité par sa propre mère, qui était une esclave hébreu, jusqu'environ l'âge de 3 ans. À 3 ans, on commence quand même à avoir certains souvenirs. Deuxièmement, le nom de Moïse était bizarre en soi. C'était bien un nom égyptien. C'était bien dans la langue égyptienne, mais ce nom en lui-même disait son origine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, un Égyptien, si on lui donnait le nom de Moïse, il n'y a pas besoin de. Ou un Hébreu, on lui disait Moïse, à l'époque, que ce soit les Égyptiens ou les Hébreux, ils comprenaient bien. Qu'est-ce que ça signifiait, Moïse? Sauver des eaux. Il ne faut pas oublier que quand ils ont tué les bébés égyptiens, ça a fait un traumatisme qui n'a pas dû s'oublier de sitôt. Des années, des années, des années après, les gens s'en rappelaient toujours. Et donc, quelqu'un qui s'appelle Sauver des eaux, ouais, tout de suite, on sait de quoi on parle. On dit, toi, t'es un rescapé. C'est comme si quelqu'un s'appelle rescapé d'Auschwitz. Bon, il n'y a pas besoin de comprendre qu'il a été dans ce camp de concentration. Son nom en lui-même, ben, disait son origine. Et il a dû peut-être un jour demander, ben, pourquoi l'autre, là, il s'appelle Ramsès, là, ou l'autre il s'appelle Séti, ou l'autre il s'appelle Toutankhamon, là, il y a des noms de divinités donnés à telle divinité, etc. Et moi, c'est sauver des eaux. Je pense qu'il a dû quand même s'en douter un peu. Il n'était pas idiot, je crois. Il a reçu une grande éducation, ce qui est inquiet d'une grande présence. Je pense que ça a dû quand même lui mettre la puce à l'oreille. Troisièmement, c'est vrai qu'ici en Europe, on n'est pas très, très habitué au faciès. Comment dire? À la morphologie. On n'y fait plus tellement attention. Mais en Afrique, c'est assez courant que la morphologie trahisse la région d'où on vient. Il y a certaines morphologies, il y a des gens, tu les regardes, tu dis, ah bah, toi, tu es sénégalais, toi. Ou bah, toi, tu es Peul. Il y a des gens, on les regarde, on sait qu'ils sont Peuls, ils sont de l'ethnie Peul, parce qu'ils ont un type nilotique. Ils sont fins, ils ont les traits fins, peut-être parfois la peau un peu claire, beaucoup plus élancée. Voilà. Ou quelqu'un, un Sud-Africain par exemple, qui ont des pommettes un peu plus saillantes, etc. On va dire, ah tiens, toi tu es le. Voilà. Ou toi tu es, etc. On peut parfois, avec la morphologie, situer les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Hébreux et les Égyptiens, ce n'était pas tout à fait la même race. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les Égyptiens, à l'époque, alors, il y a une bagarre d'historiens. Certains disent ils étaient nilotiques. Nilotiques, c'est un peu le type d'Érythrée, Éthiopie. Vous voyez un peu à quoi ils ressemblent les Érythréens, les Éthiopiens, clairs, fins. Voilà. Donc, bon, en tout cas, les peintures laissent à présumer qu'ils étaient plutôt du type nilotique. D'autres disent qu'ils étaient du type négroïde, etc. Bref, quoi qu'il en soit, quel que soit le type, quelles que soient les batailles d'experts, le type de visage de Moïse était un type sémite. Ça ne correspondait pas tout à fait à ses petits copains de jeu, quand même. Hein. C'était. J'ai ma belle-sœur. Ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme, Nelly, a grandi en France. Parce qu'elle était malade au Congo. Du coup, son père avait des amis en France. On l'a envoyé en France. Et c'est un couple de Français elle a vécu chez eux. Elle a grandi là. Et le milieu où elle grandissait, il n'y avait aucun noir autour. Et elle a toujours eu du mal à se voir comme noire. Donc, du coup, quand on lui disait que tu es noire, elle. L'image, même le miroir lui envoyait, c'était une image de quelqu'un qui est blanc, parce que c'est ce qu'elle voyait autour. Malgré tout, elle a fini par comprendre que, voilà, pas tout à fait la même couleur. Bon, je pense que Moïse, en grandissant, il a quand même dû se rendre compte un tout petit peu que c'est pas quand même le. Bon, quand même une petite différence, quand même, entre moi et mon petit copain Ramsès, ça ne doit pas être le même visage. Dernier élément, et puis on arrête là sur l'origine. Une cour royale, il y a 5000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, et là maintenant, là, c'est pareil. Je suis sûr que si je vais chez le Premier ministre, M. Charest, dans son entourage, je suis sûr qu'il y a toujours des petits bruits qui courent partout. Dès qu'il passe par. Il n'entend pas tout, mais derrière son dos, c'est certain qu'il y a des petits. Ça jase. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les cours, les gens n'ont rien à faire. Hein. Les cours royales, on s'y ennuie à mourir. Et toute la journée. La plupart du temps, on passe à papoter. Des petits bruits de cour. Et les bruits de cour, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de 1000 ans, ça date d'il y a très longtemps. C'est des oisifs. Donc leur seule façon de passer le temps, c'est de parler. Bon, je me dis quand même qu'en 20 ans, 30 ans de vie, 40 ans de vie, Moïse, ouais, je pense qu'il a quand même dû peut-être entendre, si tout ça, c'est pas encore marché, il a dû quand même entendre que d'où il vient. Tout ça pour en venir où? Pour moi, je pense que Moïse ne pouvait pas ne pas savoir d'où. C'est aberrant. Il ne pouvait pas ne pas savoir d'où il venait. Ça, sinon, on ne comprend pas que tout d'un coup, comme ça, à l'âge adulte, il voit deux Hébreux en train de se battre, il prend parti et puis il dit non, ne vous battez pas, vous êtes des frères. Qu'est-ce que tu en as à faire? C'est des esclaves, là. C'est un peu. Ou alors, il voit un contremaître frapper un esclave et puis il tue le contremaître. Il tue un Égyptien pour sauver un Hébreu. Les Hébreux, des fois, ils servaient de mortier, là, hein, quand on construisait les pyramides. Paf, il y en a un qui s'écrase. On dit, oh, on ne prend même pas le temps de. Oh, mais on met le mortier, et puis basta, ça fera de la colle, et puis basta. Voilà, hein. C'est tout. Et puis, pour un Hébreu, tu vas venir tuer un Égyptien, quelqu'un, un homme libre, un homme de la haute, enfin, de la haute par rapport aux esclaves, mais faut bien comprendre. Si lui, dans sa tête, il ne s'associait pas aux Hébreux, il n'aurait jamais fait ça. La Bible dit qu'en Exode, devenu grand, il sortit vers ses frères et vit leurs durs travaux. C'est marrant, hein? La Bible ne dit pas il sortit vers les Hébreux et vit leurs durs travaux. Il dit il sortit vers ses frères. Il y a une certaine identité. Acte va plus loin. Il dit, quand il eut 40 ans, Moïse alla voir ses frères de race. Là, bon, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je pense, ça je peux m'avancer, mais je pense que Moïse n'a jamais réussi à se voir comme un prince d'Égypte à part entière. Contrairement au regard que les Hébreux et les Égyptiens avaient sur lui. Je pense qu'en lui-même, il était prince au dehors, mais à l'intérieur de lui, c'était un esclave. Et ça nous mène directement à la définition qu'on peut donner de l'humilité. Wikipédia dit quoi? Wikipédia, bah oui, c'est Wikipédia, c'est notre dictionnaire actuellement. Wikipédia dit, le mot humilité prend sa racine du mot latin humus. Bon, encore un peu de latin, mais... Humus veut dire la terre. L'humilité est généralement considérée comme la qualité de celui qui se voit lui-même de façon réaliste. C'est ça l'humilité. Celui qui se voit de manière réaliste. Ce n'est pas la fausse humilité, ce n'est pas la fausse modestie, ce n'est pas de l'arrogance ou ce n'est pas un complexe d'infériorité. Je vois simplement tel que je suis. Ce qui est marrant, c'est juste pour revenir au mot humus, humilité, humus, terre, c'est que le mot homme aussi, c'est pareil, c'est la même racine hébraïque. Adam, le premier homme, Adama signifie la terre. Adam, c'est tiré de la terre. Quand on regarde à l'étymologie, ben c'est quoi? C'est de la terre. D'où le fameux « nous ne sommes que peu de poussière ». Mais bon, c'est juste pour... voilà. L'humilité n'est pas une qualité innée chez l'homme. On considère qu'elle s'acquiert avec le temps, avec le vécu, et qu'elle va de pair avec une maturité affective et spirituelle. Elle s'apparente à une prise de conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et au milieu de l'univers. C'est ça, en fait, l'humilité. On reconnaît qui on est vraiment. Dans le cas de Moïse, les Égyptiens et les Hébreux le voyaient comme le prince d'Égypte. C'est vrai qu'il était prince. Il était prince sur le papier, il était prince dans les faits, on lui rendait les hommages. Mais lui-même avait pleinement conscience de son origine. Il avait pleinement conscience d'où il venait, qui il était. C'est pourquoi au début, les gens, ça a été un choc, et pour les Hébreux qui disent, mais pourquoi tu as fait ça? Et même les Hébreux, même celui, ceux qu'on a aidés là, c'est eux qui l'ont balancé après. Qui disent, oh, tu veux aussi nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Attendez, je viens vous aider, et derrière, vous voulez me vendre au... Enfin, c'est un peu... Donc, les Hébreux eux-mêmes ne le considéraient pas comme un des leurs. C'était vraiment un Égyptien. Et pour les Égyptiens, ben, c'était un prince. C'était les faits. Mais Moïse était au clair dans sa tête. Pour lui, c'était un homme c'était un homme comme ces esclaves-là. Il n'y avait aucune différence. Pour lui, il y avait le pouvoir, oui. Mais en lui-même, ce qu'il était, c'était un esclave. Ce qui est intéressant dans la prise de conscience, c'est quand on regarde les béatitudes depuis le verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le verset 4, il dit heureux ceux qui se lamentent, car ils seront consolés. Et le verset 5, c'est étrange que tous ces trois versets-là, on dirait que c'est toutes les trois des prises de conscience. La première, c'est une prise de conscience de sa position spirituelle. Heureux les pauvres en esprit. Et après, ça suit car le royaume des cieux est à eux. Le deuxième, on dirait une prise de conscience de, et c'est ce que Glenn a partagé avec nous, de ce dont quoi on vit, dominé par les Romains, écrasé par les impôts. On dirait une prise de conscience de sa position, de sa situation sociale et politique. Ça aboutit à quoi? À pleurer. Je ne parle pas du Québec, pardon. Et heureux, et la troisième, c'est une prise de position de sa nature profonde. D'abord, l'esprit, l'environnement et sa nature profonde. Heureux, les humbles. Les trois premiers versets, on dirait juste des prises de conscience de ramener les humbles hériteront la terre. Je m'explique. Entre la terre et le ciel, les premiers ont dit heureux ceux qui sont heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit ont le royaume des cieux, et puis nous, on nous file la terre. C'est juste histoire. La question, c'est pourquoi la terre? Moi, franchement, à préférer, je préfère le royaume des cieux. La terre, vous la gardez. Moi, je ferai aller là-haut, et puis la terre, vous la gardez. C'est juste, la question est de se dire, mais pourquoi la terre? Pourquoi les uns, les pauvres en esprit, là, c'est bon, ils ont le rhum des cieux, et puis nous, parce qu'on est humble, on nous file la terre. Enfin, c'est bon, c'est juste une petite plaisanterie comme ça, mais c'est juste une question que je me suis posée. C'est ça, c'est les premiers le rhum des cieux, le deuxième ont la terre en héritage. Mais on pourrait dire en fait, que c'est simplement deux faces de la même pièce. D'un côté, il y a le fait établi et accompli dans l'invisible. Heureux les pauvres en esprit. On ne dit pas car ils auront le royaume des cieux. Il dit car le royaume des cieux est à eux. C'est quelque chose qui est établi. Tout ce qui est invisible, c'est déjà fait. Dans l'invisible, c'est accompli, c'est fait. Et le deuxième, on dit heureux les humbles car ils posséderont la terre. Ce qui reste de la promesse reste encore à se manifester dans le visible. Et ensuite, la boucle sera bouclée. L'invisible, le visible, le ciel, la terre, le spirituel, le matériel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le verset 3 n'est pas différent du verset 5. Heureux les pauvres en esprit. En fait, d'autres versions disent heureux les humbles. Les pauvres en esprit, c'est les humbles. Et ceux qui sont doux aussi, c'est les humbles. C'est la même personne. Il y a une sorte de mise en miroir. C'est une même façon de dire les choses. Encore un tout petit peu et puis j'en aurai fini. On parle ici de l'humilité. C'est un peu difficile. Hein, ce verset 3 et ce verset 5 est un peu compliqué quand on dit, enfin, compliqué, quand on dit heureux les humbles. Parce que on ne peut pas que prendre dans l'angle d'humilité.